tout petit, on te dit, il faut pas que tu pleures. Toi, il faut toujours que tu ris. Laisse donc pleurer ta sœur, parce que t'as entre les jambes la différence. Entre les jambes la différence. Parce que t'es un garçon à l'école, tu dois toujours être le premier. Sinon ta famille avec quoi? Tu vas lui donner à manger. Parce que t'as entre les jambes la différence. Entre les jambes la différence. Plus tard il faut que t'ailles à l'armée. Si tu veux pas t'es pas un homme. T'es qu'une gonzesse, qu'un sale pédé. À moins que rien en somme. Parce que t'as entre les jambes la différence. Entre les jambes la différence. Si t'as les cheveux longs dans la rue, un super mec, ancien parrain, par derrière te tape sur le cul. Je vous avais pris pour une nana. Parce que t'as entre les jambes la différence. Entre les jambes la différence. Quand tu lis dans les journaux qu'une fille s'est fait violer par une bande de salauds, t'as envie de te la couper. Celle que t'as entre les jambes la différence. Entre les jambes la différence. Et qu'on s'étonne pas aujourd'hui si les filles s'unissent pour descendre le roi qui tient pouvoir de son pénis. Elles en ont marre de la différence. Elles en ont marre.